Nous aborderons un sujet qui est assez médiatisé, les causes occultes de la délinquance. Bernard, on remarque dans notre société moderne une augmentation extrêmement sensible de la délinquance et même ici au Québec, un facteur de décrochage scolaire particulièrement accentué, particulièrement avancé. Est-ce que, dans ce qu'on parlait tout à l'heure de tensions dans le développement du corps astral, est-ce que ces tensions-là sont plus sensibles chez les jeunes que chez les adultes? Est-ce que la mise en situation d'une involution est plus sensible chez les jeunes que chez les adultes? Les jeunes sont en évolution psychologique progressive. Ils n'ont pas atteint un niveau d'intégration de personnalité. Ils n'ont pas de référent personnel. Ils ont des référents de la société ou des référents parentaux. Ils n'ont pas d'identité. Ils sont en voie de s'en créer une identité, qui demeurerait quand même une identité évolutive. Ils vivent dans des temps où l'ego n'est plus sécurisé par les valeurs traditionnelles. Donc, quand je parle de valeurs traditionnelles, je parle de la religion et je parle d'une gestion équilibrée du patrimoine social. Mm-hmm. Ils vivent dans un temps où les forces de la civilisation deviennent de plus en plus impuissantes à contenir l'astral de la civilisation. Ma fille me disait quelque chose dernièrement que j'ai trouvé très, très intelligent. Je lui demandais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont en train, en tant que pays, de réellement déborder à l'extérieur d'eux-mêmes? Le bordel tout partout. La remise en question tout partout. La désorganisation systématique. Et elle me disait que les Américains, d'ailleurs c'est un des peuples sur la Terre, les Américains sont une nation qui, à cause de l'affranchissement psychologique de leur structure sociale, donc religieuse, sociale, gouvernementale, ainsi de suite, à cause de cette liberté américaine, entre parenthèses, les Américains aujourd'hui sont incapables de contenir leur astral. Donc, techniquement, le peuple américain sur la Terre est le peuple le plus astralisé au monde. Il s'est rendu dans des registres de sophistication tellement avancés que pour nous, les Américains, ou pour les peuples sous-développés, pas pour les Canadiens, là, mais pour les peuples sous-développés, les peuples qui évoluent, les Américains sont réellement un modèle. Et c'est vrai que les Américains sont un modèle. Mais le modèle américain change constamment. L'American Dream des années 40, 50, 60, change. De sorte qu'aujourd'hui, les Américains eux-mêmes se demandent s'ils vont revenir, s'ils vont reprendre leur American Dream. Est-ce qu'il y en a un véritable American Dream? Si nous revenons dans notre société, qui, dans un sens, miroite un peu l'American Dream américain, puisqu'on est un peuple ou une nation Périphérique. Techniquement avancée sur le plan économique, social, on s'aperçoit que nos jeunes ont été forcés, malgré eux, à vivre l'expérience d'abord d'un système éducatif que les éducateurs remettent constamment en question. Mm-hmm. Les jeunes, en même temps, ont été amenés à vivre des expériences par rapport à la drogue, qui est ce que j'appelle du fascisme intégral. La drogue, pour moi, c'est l'effort astral le plus poussé servant à la destruction des fondations de la civilisation occidentale. Les connexions astrales avec la drogue dans le monde, ce sont des connexions qui sont totalement sataniques. Totalement voodooesque. totalement orientée vers la destruction des fondations de notre civilisation. Donc, nos jeunes participent à ce processus-là parce qu'ils n'ont pas d'identité, parce que les parents ont perdu le contrôle sur leur éducation. Puis les parents ont perdu le contrôle sur leur éducation parce que dans les années 60, quand il y a eu la révolution de la jeunesse, ou l'éloignement, ou l'éloignement entre les jeunes et les parents, l'ancienne autorité parentale, ceci a été mis en relief à travers le grand et fameux catalyse de la drogue et aussi la musique. La musique des années 60, là, qui était aussi connectée à la drogue. Est-ce que vous... qui, jusqu'à aujourd'hui, là, continue dans le rap, tout ça aux États-Unis. Bon. Alors, les jeunes sont les héritiers d'une civilisation qui n'a pas pu contenir ses forces astrales. Donc, je parle de la civilisation américaine qui déborde au Canada, qui déborde en Europe, ainsi de suite. Donc, comment voulez-vous que les jeunes aujourd'hui, qui sont réellement démunis, puissent vivre leur scolarité, leur jeunesse, leurs ambitions, même idéalisées, comme nous l'avons vécu dans les années 60 ou 50? C'est très difficile, à moins d'avoir des parents qui sont réellement au parfum, c'est-à-dire des parents qui ont réellement la capacité de s'entretenir avec le jeune, savoir où ce qui se passe à l'extérieur ne vient pas contaminer les terres de leur maison, de leur chez eux, tout en étant libéral dans le sens de permettre aux jeunes de vivre leur vie à l'extérieur, mais de ne pas ramener toute cette pollution-là, toute cette cochonnerie-là à la maison. Et ça, c'est un tour de force. Ça se fait quand les parents ont une certaine conscience et qu'ils ont commencé avec les jeunes dans un très bas âge à se préparer contre cette avalanche d'impressions astralisées qu'ils vivent à l'âge de 13, 14, 15 ans. Mais tu peux pas commencer ça à 14, 13, 14, 15 ans, faut que tu commences quand ils sont jeunes. Il y a toutes sortes de principes là-dedans au niveau de l'éducation, au niveau de la responsabilité parentale. Je veux pas rentrer là-dedans là, parce que je veux pas donner un cours en éducation. Mais les jeunes aujourd'hui sont les fruits de l'incapacité du foyer et de la société de leur assurer une voie suffisamment intelligente pour qu'ils puissent progresser sans trop de contraintes extérieures. Si cette voie-là n'est pas existante, ils vivent des contraintes extérieures qui créent en eux des contraintes intérieures et qui éventuellement fait de ces jeunes-là des êtres qui ne savent plus où mettre la tête. Est-ce qu'un jeune est plus handicapé qu'un adulte pour se prendre en main? Un jeune est plus handicapé qu'un adulte dans ce sens que le jeune doit d'abord se créer sa première fondation. Un adulte, lui, qui a 25, 30, 40 ans, ça va mal, le business va mal, la récession, il traite avec une psychologie de son être en fonction des événements, mais toujours par rapport à une sorte de consolidation psychologique de son moi. L'adulte, lui, à 25, 30, 40 ans, 45 ans, même s'il n'est pas conscient, il est quand même, pour lui-même, un personnage. Il est vendeur, ou il est avocat, ou il est plombier, ou il est boulanger. Que ça aille mal en affaires ou que ça aille bien en affaires, il s'est créé un personnage. Même s'il est fragmentaire, ce personnage-là, même s'il peut sauter n'importe quel, ce personnage-là, au moins, il y a un personnage. Tandis que le jeune, lui, il n'en a pas de personnage. Les parents n'ont pas été capables de l'aider à avancer pour qu'il se crée un personnage. La société est incapable, ou le système d'éducation est incapable de lui assurer le temps, la disponibilité temporaire nécessaire. Ça prend un certain nombre d'années pour se créer un personnage. Donc, les jeunes aujourd'hui n'ont plus de personnage. Et quand on n'a plus de personnage, qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce qui se passe? Quand on était jeune, dans les années 50, 40, bon, il y avait Edith Piaf, il y avait Yves Montand, il y avait, je ne sais pas moi, Elvis Presley. Bon, c'était nos idoles parce que dans ce temps-là, on était romantique, mais on était capable de retourner notre attention, de reprendre notre attention et de concentrer sur nos études, puis concentrer ce qu'on voulait faire. Puis en fin de semaine, on s'amusait avec Elvis Presley, on allait danser, et ainsi de suite. Tandis qu'aujourd'hui, les idoles, l'idolâtrie hollywoodienne qui est rendue partout dans le monde, est en train de remplacer le personnage que le jeune n'est pas capable de se créer parce que la société et les parents n'ont pas pu remplir un rôle. Puis je dis pas qu'ils n'ont pas pu remplir un rôle parce qu'ils n'ont pas voulu remplir un rôle. C'est pas les éducateurs, puis le système éducatif ou les gouvernements qui ne veulent pas remplir leur rôle. C'est que les forces astrales de la société moderne sont tellement puissantes que c'est rendu que les gouvernements ont les mains liées et les parents sont faits à l'os. De sorte que les jeunes, quand ils regardent des gars comme Prince, puis des gars comme, je ne sais pas, moi, je les connais pas toutes, là, ces idoles, là, Madonna, puis toutes là, qui font des millions à chanter des chansons. Premièrement, même ça, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est une autre conférence. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais qui font des millions à chanter des chansons puis à créer une mythologie psychologique que les jeunes qui sont sans identité ou à laquelle les jeunes vont s'accrocher parce qu'ils n'ont rien d'autre. Tu t'en vas dans les chambres des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois ces murs? C'est pas le portrait de la Sainte Vierge, puis Jésus, puis Jean-Baptiste, puis Christophe Colomb, puis Bernini. C'est le portrait de ces gars-là, qui, des années 60, aujourd'hui, là, peut-être qu'ils se tassent un petit peu, là, parce qu'il y a un gros public relations machine, là, you gotta appear good, you have to show that you have a good side. Mais dans le temps des années 60 et des années 70, quand ça se potait jusqu'aux oreilles, puis quand ça fumait ça sniffait de la coke, ainsi de suite, là, pour faire le show, puis ça faisait leur chanson par rapport à ça, puis les jeunes aujourd'hui prennent ces gens-là, les mettent sur leur mur, puis c'est là les idoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont nowhere to go. Fait quand t'as nowhere to go, c'est quoi le next step? Mais c'est le suicide. Si les forces astrales sont trop puissantes dans la société, puis t'es pas capable de contenir les tiennes, puis t'es pas capable de maintenir un équilibre entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans ta tête, parce que t'as pas été éduqué, il t'a pas été donné de psychologie par tes parents ou par la société pour comment traiter dans une situation aussi démoniaque puis stérile qu'aujourd'hui. Dans notre temps, quand je dis dans notre temps, je dis des années 50, au début des années 60, puis je ne veux pas trop rentrer dans les années 60, parce que c'était déjà pollué. Mais disons dans les années 50, dans les années 40, l'homme, l'individu, avait des idéaux. Même si les idéaux étaient factices, les idéaux faisaient partie des artefacts de la civilisation. Tandis qu'aujourd'hui, rien. C'est-tu mieux qu'un jeune ait des idéaux qui sont fictifs, qui sont des artefacts de la civilisation, ou que le jeune ait des idéaux qui sont totalement imaginaires, qui font partie de Hollywood, qui fait partie de la grosse finance internationale, qui brainwash des millions et des milliards de jeunes, qui prennent ces capitaux-là, qui enlèvent à la jeunesse le droit de se sentir un petit peu idéaliste à travers leurs propres efforts. Dans le temps, les infirmières disaient, bon, mais moi, je veux devenir infirmière. C'est un idéal. L'avocat veut devenir un bon avocat. On veut toujours être des bons infirmières, puis des bons avocats, puis des bons médecins quand on est jeune. C'est quand on grandit qu'on devient des pourris ou des ripoux. Mais quand on est jeune, on veut devenir des bons avocats, des bons médecins, des bons éducateurs. Mais aujourd'hui, les jeunes ont même plus la volonté de devenir ça, parce que les idéaux de la civilisation, les artefacts de la civilisation ont été remplacés par une phénoménologie astrale tellement puissante que si les jeunes, dans les générations qui viennent, n'en arrivent pas à recomposer leur personnalité, à reprendre le contrôle de leur être, sous le choc, l'avalanche de ce cirque-là à l'américaine, l'empoisonnement mondial, les jeunes au 21e siècle vont être faits à l'os, puis la maladie mentale, puis les suicides, ça va grandir, puis ça va grandir, puis ça va grandir, ça va grandir. Puis j'ai déjà dit, les psychologues souvent, ils vont dire, bon ben, ce que tu as vécu dans ta jeunesse, dans ton passé, tes parents, supposons que ton père vivait, ta mère, c'est une guidonne, ça l'a affecté ta personne. Quand tu es inconscient, tu peux blâmer tes parents. pour avoir guidonné, ou ton père pour avoir battu ta mère, pour avoir t'avoir marqué. Tu peux blâmer la société pour ne pas avoir rempli son rôle social adéquatement. Mais quand tu es conscient, puis tu connais les lois astrales, tu ne peux plus faire ça. Puis c'est pour ça que dans mes séminaires, quand je dis mes séminaires, je dis, à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, qui se reprend complètement en main, tu commences à zéro. Fait que ce que tu as été dans ton passé, ta mère a été guidonne, ton père a été buveur, ton père a été ci, ou la société t'a pas aidé comme tu l'as voulu qu'elle t'aide, c'est absolument sans importance. Fait que l'homme a raison, quand il est inconscient, de blâmer, au niveau de sa mémoire, ses parents, puis la société, parce qu'il n'y a pas de référent. Il ne sait pas comment est-ce que ça marche, la conscience humaine. Mais quand l'homme rentre dans un séminaire, ou rentre dans une science, qui est très exacte, puis qui explique comment fonctionne d'abord l'ego, le moi. Comment est-ce que le moi est soutenu par le passé, quand il est involutif, puis comment est-ce que le moi devient totalement intégral quand il prend conscience. À ce moment-là, vous ne pouvez plus blâmer vos parents puis la société. Puis tant que les jeunes vont blâmer leurs parents puis vont blâmer leur société, les jeunes vont rester dans la merde et les jeunes vont rentrer dans une plus grosse merde parce que les parents aujourd'hui sont à bout de souffle, ils n'en ont plus de référent, les parents sont incapables maintenant de réellement prendre le contrôle de l'éducation et la société est incapable maintenant de reprendre le contrôle ou de recréer des artefacts, comme elle pouvait le faire dans le passé, comme le patriotisme, ainsi de suite, whatever. La société est plus capable. Parce que ces temps-là sont passés. La psychologie humaine a changé. La psychologie individuelle a changé. L'humanité est en transmutation très, très rapide. Fait que, si on me demandait aujourd'hui, quel conseil que tu peux donner à un jeune concernant son éducation, son passé, la société, je dirais, mon petit gars, regarde tes parents en face, là. Tes parents ont pu faire ce qu'ils ont pu, ils ne pouvaient pas faire plus, parce que tes parents ont été pris dans la vague. Dans la vague. Antisocial, anti-lumière, totalement astral de la civilisation moderne. Le gouvernement, les gouvernements ont été assiégés par les besoins d'une masse de plus en plus grande qui, elle aussi, a été affectée par la vague. Puis je dirais, si t'es pas capable de te prendre en main, mon petit cul, là, puis oublier ton passé, puis arrêter de blâmer tes parents, puis arrêter de blâmer la société, tout à l'heure, quand la pression va continuer, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, là, la babylonisation de la conscience humaine, c'est pas fini, on arrive à la fin d'un cycle, tout à l'heure, tu seras pas capable de stander la pression, tu vas te faire sauter. Fait que si tu veux t'organiser, si tu veux revenir un petit peu dans le passé, avec des artefacts différents, parce qu'on les a plus besoin des anciens artefacts du patriotisme, puis les anciens artefacts qu'on avait dans le temps. Mais si tu veux revenir comme dans le passé, dans le sens d'être suffisamment équilibré au niveau psychologique et psychique, puis te créer ta propre vocation personnelle, te donner les outils pour fonctionner demain matin, grouille ton cul, retourne-toi dans l'école comme tu as 25 ans, calice, parce que tu peux pas te permettre dans une société aussi développée qu'aujourd'hui de pas avoir de l'éducation, de pas avoir de formation, de pas avoir d'outils ou de ne pas te recycler pour te réembarquer dans la galère, mais avec un petit peu d'intelligence, d'une façon plus consciente. Si tu fais pas ça, t'es fait à l'os. Fait que ton père qui a fait de son mieux, puis qui a été pris dans la vague, puis le gouvernement qui a fait de son mieux ou de leur pas mieux, qui a été pris dans la vague, si tu regardes ça, t'es fait, parce que demain, ça va être pire. Fait que grouille ton cul, va dans l'école, puis si tes parents ne t'envoient pas à l'école, puis la société ne t'envoie pas à l'école, envoie-toi, toi, à l'école. Pis si t'es pas capable de comprendre ça, viens pas me voir dans 10 ans, puis dire, ben Bernard à Montréal, comment est-ce que je peux me sortir de mon trou? Parce que je vais te l'avoir dit dans le temps. Tu seras même pas équipé dans le temps pour dealer avec ce que je donne dans les séminaires. Tu vas craquer. Parce que ce que je donne dans les séminaires, ça révolutionne le mental humain. Ça te met sur une autre vibration. Puis même si tu comprends pas tout de suite, tu vas comprendre dans 5 ans puis dans 10 ans. Fait que l'affaire des jeunes aujourd'hui, dans nos sociétés, il faut que les jeunes se reprennent en main. C'est plus difficile, parce qu'ils n'ont plus les artefacts d'avant, ils n'ont plus l'idéalisme d'avant, mais ils ont un besoin de se sortir d'une condition qui, s'ils ne la prennent pas en main par eux-mêmes, va totalement les absorber, puis va faire d'eux autres des poteux, des drogueux, des chanteux, des swingeux, puis des gars qui sont pas capables de créer des familles, des gars qui sont pas capables de développer le sens de responsabilité quand t'as des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsque la délinquance, c'est un refus du système ou c'est un refus des... La délinquance, c'est une révolte accentuée qui a débordé le cadre naturel de la rébellion psychologique du jeune en voie de découverte de sa... Comment ça s'appelle ça quand ils ont 12, 13, 14 ans? Là? Puberté. Puberté. Quand tu arrives à la puberté, tu deviens révolte, c'est normal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu découvres les filles, tu découvres les gars, tu commences à développer une sorte de narcissisme. C'est normal. It's healthy. Ça fait partie du développement de ta personnalité. Mais t'as de là à passer à la délinquance, puis t'as de là à prendre un gun, puis rentrer dans un perrette, puis t'acheter, pour avoir de l'argent, puis t'as de là à tirer le monde, puis t'as de là à te droguer, puis t'as de là à te signifier, puis t'as de là à faire tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Il y a une crise de paire de manches. Il y a une crise de différence. Là, tu vas dire, ben oui, mais ça, c'est à cause du passé. Moi, je vous dis aujourd'hui, le passé, je m'en calisse comme dans l'an 40. Si jamais un jour j'arrête de donner des séminaires, probablement que je vais donner un séminaire ouvert à la province de Québec pour les jeunes. Je ne chargerai pas une scène, mais je vais louer le forum là, pour un soir. Là, vous allez savoir que j'ai fini, là, que je disparais réellement de la carte. Puis là, là, je vais vous le mettre dans le front. Mais en attendant, s'il y a du monde qui m'écoute ou s'il y a du monde qui vient dans mes conférences publiques, c'est pour ça que je parle en public, s'il y a du monde qui a accès à mon matériel, des jeunes, occupez-vous d'une chose, remettez-vous dans la crise d'éducation. Revenez à l'éducation. Vous allez dire, ben oui, mais c'est plate l'éducation, les gars ne savent plus comment nous enseigner la géographie, les maths. C'est pas grave, parce que le système va te récupérer quelque part. Fait que si les gens ne savent pas comment enseigner aujourd'hui au niveau du cégep, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, supposons que t'as pas des bons profs ou que t'aimes pas le matériel, continue, perdure, passe le cégep, va-t'en à l'université, va chercher ton BA, va chercher ta maîtrise, va-t'en au doctorat. Quand tu seras rendu au doctorat, you can write your own check. Calice. Parlez-moi pas trop d'éducation parce que je fume. c'est le sujet de la deuxième partie. Vous avez déjà dit, vous avez dit tout à l'heure que les jeunes n'avaient pas... Je te donne un exemple. Je me souviens de ma question. Ouais, OK. Je te donne un exemple. Si j'étais psychologue ou psychiatre, si j'avais un beau doctorat en psychiatrie, ouais, je pourrais former une clinique, je pourrais former une nouvelle école, comme Jung a fait, comme Adler a fait, comme la gang des gars a fait. Je pourrais... Une belle école. Sans je suis trop chambardé la psychologie ou la psychiatrie moderne, je travaillerai avec des psychiatres parce que ce sera mes collègues. Mm-hmm. Je travaille avec les psychologues et les psychiatres. Mais je n'ai pas le privilège parce que je n'ai pas le doctorat en psychiatrie. C'est pour ça que je dis, demain, les jeunes, allez donc à l'école, allez les chercher vos BA puis vos maîtrises, vos aussi en administration, whatever, puis après ça, you write your own ticket. Si vous ne faites pas ça, vous êtes fait à l'os. Puis pensez pas que... Puis faites pas l'erreur de dire, bon, ben je m'en vais dans l'ésotérisme. Puis je vais faire de l'ésotérisme puis de l'occultisme. Parce que de l'ésotérisme puis de l'occultisme, c'est la science des... C'est la science des perdus qui veulent se retrouver. Puis à l'intérieur de toute cette grande majorité ou grand nombre d'individus, il y en a très peu qui vont devenir réellement des autorités créatives que les psychologues, les psychiatres sont willing d'écouter parce que sont capables de réellement composer avec des éléments extérieurs à leur étrange manipulation des mots. Fait que c'est pas tout le monde qui peut aller en ésotérisme et dire « Ah ben moi, je vais donner des conférences. Moi, je vais faire des ci puis je vais faire des ça. » Parce que vous allez voir un jour que donner des conférences puis aider le monde à se comprendre, ça prend plus que le simple désir spirituel d'aider l'humanité. Ça prend réellement une capacité d'avoir soi-même été passé dans le tardeur de la transmutation. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt puis capable de passer dans le tardeur. Fait qu'en attendant, vous êtes bien mieux d'aller chercher des BA, puis des maîtrises, puis des doctorats. Puis si j'étais jeune encore, je retournerais moi-même à l'université pour aller chercher un BA une maîtrise ou un PhD, dans la mesure où les chiens en haut me le permettraient. OK? Fait que... Faites-vous pas d'illusions. La génération d'aujourd'hui, celle qui vient en contact avec des idées nouvelles, allez à l'université, allez à l'école. Quand vous aurez vos degrés, là, vous aurez le respect de la communauté, vous serez mieux, vous serez capable à ce moment-là, probablement, d'amener des idées nouvelles, puis mixer ça avec les idées anciennes, puis faire de ça une nouvelle ouverture pour l'art. Mais si vous voulez rentrer dans l'ésotérisme, puis écrire des livres, là, parce que vous êtes en dehors du système, vous avez lâché l'école à deuxième année, vous avez une troisième forte, là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Pis c'est ça d'ailleurs qui se produit, parce qu'il y a bien des gens qui sont dans l'ésotérisme, puis tout ça, puis sont plugués à ça, parce que ça devient pour eux autres un second système d'éducation. Puis je vous dis, faites pas prendre dans la trappe. Il n'y a rien de glorieux à parler comme je parle, puis il n'y a rien d'intéressant pour un homme à parler comme je parle. Puis la seule raison que je parle comme je parle, c'est parce que je parle comme je parle. Pis si je parlais pas de même, pis si j'avais pas la capacité de briser les femmes comme je le fais, puis réellement contenir les conséquences de tout ça dans le public, puis par rapport à tout le monde, je serais un pauvre gueux qui court après sa queue. Allez à l'école, les jeunes. Bon, ben peut-être qu'un jour vous ferez une thèse doctorale ou une maîtrise sur la psychologie astrale. C'est intéressant. C'est très intéressant. Si vous le faites pas, mettez-le en période devant vous autres. C'est intéressant. Mais au moins, organisez-vous en attendant pour vous donner une plateforme. Puis, la meilleure plateforme pour les jeunes aujourd'hui, c'est l'école. Je suis allé voir du monde, là. Des gars, on a eu des conférences en ésotérisme. On va parler aux entités. Puis je vais dans l'astral, moi, toi, tous les jours. Pauvre monde. Bernard, vous avez... On n'est pas tous des Rudolf Steiner et des Krishnamurti. On est tous des fonds de poubelle. Psychologique. Fait qu'avant qu'on nettoie nos poubelles, puis qu'on puisse transmuter tout ce matériel-là pour pouvoir parler d'une façon décente, intelligente, même à des scientifiques, avec des gens qui ont une formation puis qui ont travaillé fort pour l'avoir, ça va nous prendre du temps. C'est pas partie de l'évolution, ça. Fait qu'en attendant... Si vous pensez que vous allez dans l'ésotérisme, puis donner des conférences, peut-être pas, parce que pour compenser pour le fait que vous n'avez pas de formation, que vous n'êtes pas capable de travailler dans la société normale comme tout le monde, vous avez des problèmes. Bonjour, continue. L'importance de l'esthétique pour le jeune, vous avez dit tout à l'heure... OK. L'importance... OK, allez-y. Vous avez dit que les jeunes n'avaient pas de paramètres sociaux, mais est-ce que l'esthétique pourrait remplacer ce que les adultes avaient dans le passé? Aujourd'hui, dans un temps comme aujourd'hui, où les formes sont brisées, où l'esthétique est constamment avilie, regardez les modes, regardez comment le monde s'habille, regardez comment le monde meuble leur maison, regardez comment que la vie moderne accentue la débandade. L'individu aujourd'hui qui a une famille, qui a un enfant dans une famille, ça fait partie de l'éducation, le développement de l'esthétique. Si les parents n'apprennent pas à enseigner l'esthétique, la beauté à leurs enfants, à travers comment s'habiller, comment écouter de la musique, comment se comporter en société, les manières, c'est de l'esthétisme. Avoir des manières quand tu parles au monde, ça fait partie de l'esthétique. La politesse, ça fait partie de l'esthétique. Donc, l'esthétique, c'est quoi? C'est la formulation psychologique de la beauté de l'esprit à travers la forme. Si on enseigne pas à nos enfants le minimum d'esthétisme dans l'habillement, la politesse, le comportement social, tout ça, ce qui faisait partie naturelle presque de l'ancienne génération, mais qui était camouflé. Effectivement. Hein? Quand tu changes des bottines, là, s'il y en a qui changent de bottines de temps en temps, là, quand tu as des crises de grosses bottines de guerre, là, tu ne sens pas dans ton corps astral comme quand tu as des beaux souliers italiens. Quand tu te mets une chemise en une belle chemise, c'est pas quand tu te mets un chandail troué avec des fils qui pendent. Quand tu as un bras propre, tu te sens pas comme quand t'as un gros tatou dessus. Quand tu te promènes de Harley Davidson, c'est pas la même chose que quand tu te promènes d'un bicycle à gasoline, là, qui est normal. Quand t'as un char propre, c'est pas comme quand tu te promènes avec un char là, qui est tout décrissé puis qui fait du bruit, puis le bumper promène en arrière, puis la fumée qui sort en arrière. Hein? C'est évident. Ah! Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la façon dont on vit maintenant a tendance à violenter notre conscience, à faire vibrer l'adrénaline de notre corps astral. Quand t'es bien habillé, t'es pas prêt tout de suite à donner un coup de poing sur la gueule, un gars. Mais quand t'as un côte de cuir et tes chaînes, c'est facile. C'est vrai. Quand t'es bien habillé, ben, t'es obligé d'enlever ton côte. Chris, t'as coûté 400$. T'sais? Mais un côte de cuir, il reste là. Puis la chaîne à part. You don't give a fuck. Tu veux dire? Puis la population, le monde, les adultes comme les jeunes, puis les gens qui sont dans l'industrie de la communication, la télévision, la radio, les gens là, qui communiquent des idées, là, tous ces gens-là sont responsables de la désensibilisation des masses modernes. Déjà, l'homme est inconscient. Déjà, l'homme n'a pas de paramètres, puis on fait miroiter toutes sortes de formes non esthétiques, astralisées, qui font partie de la babylonisation de la conscience moderne. Hein. Puis après ça, ces gens-là ont le culot de nous dire, « Ben oui, mais le monde, c'est ce qu'ils veulent. Allez donc chier, calice! C'est pas ce que le monde veut, c'est ce que vous autres, vous leur donnez. » Chris, parle-moi de ça. C'est nous autres, on leur donne. Les gens qui sont au pouvoir, les gens qui manipulent la presse, les gens qui manipulent la vie, toute l'entertainment industry, c'est nous autres qui donnons aux masses des petites mesures de ce que les masses peuvent et voudraient être. Racontez-moi pas de crise d'histoire, calice. Puis après ça, on blâme nos jeunes, puis on blâme nos parents, puis on blâme. Il y a bien du monde dans la société qui sont responsables de ce qui se passe dans le monde. Puis ça, je parle de la société au large. Quand t'as des gars de la BBC, de la CBS aux États-Unis qui est dans l'avion, puis qui rencontre un gars à côté, puis le gars dit juste que c'est rendu la musique, là. Qu'est-ce qui va arriver après le heavy metal puis tout ça? Puis le gars, il dit, vous autres, vous avez votre Christ, nous autres, vous avez votre Dieu qui est le Christ, nous autres, on a notre Dieu qui est Satan. Tabarnak, il est temps qu'on se trouve en hostie. Je vais dire une chose, c'est pas sur une base collective. Je parle même pas à la masse, je parle à l'individu, un gars. C'est tout sur une base collective. Il va falloir que l'homme, sur une base collective, individuelle, se reprenne en main. Moi, ma fille, Carlis, il faudrait qu'elle m'arrive avec tous les gadgets de la vie moderne, quand je l'ai éduqué à partir de zéro, qu'elle m'arrive avec ça aujourd'hui, elle sortirait sous son cul demain matin. I don't need that. J'y donne tout, je la nourris, je l'habille, j'y donne tout au niveau de son éducation. Puis je dis, Chris, t'as ça, là, tu t'en vas par là, t'es libre. Je te l'impose pas, t'es libre. T'es libre de devenir une personne intégrale, qui aime la vie, qui aime le monde, qui est balancée psychologiquement et psychiquement, ou t'es libre d'aller dans une autre direction qui est astrale. You take your choice. J'y ai fait à l'âge de 9 ans, Chris. Les parents, il est temps que les parents reprennent l'éducation de leurs enfants dans leurs mains. Si ça, pas capable, c'est le problème. Fait qu'à ce moment-là, les jeunes, ils vont aller, ils vont la dérive. Mais quand je parle au monde, je parle de ceux à qui je parle. Je parle pas de ceux à qui je parle pas. Je parle des gens à qui je parle. Des individus en herbe. Des individus qui sont capables de reprendre le contrôle de leur vie et de leur destinée. Il y a des choses que tu peux pas passer à côté. Tu peux pas passer à côté de l'esthétique. Tu peux pas passer à côté du respect des gens. Tu peux pas passer à côté de toutes les anciennes valeurs qui étaient un petit peu déformées. Faut que tu reprennes ces anciennes valeurs-là, tu les remettes dans un moule moderne, conscient, moins assujetti au pouvoir temporel, séculaire du passé, c'est un an avec ça. Il n'y a personne qui va me dire que l'éducation, c'est pas nécessaire. Il n'y a personne qui va me dire que de la belle musique, ça ne vaut pas de la marque, que c'est mieux du gros rock. Il n'y a personne qui va me dire que de la beauté, c'est pour les anciens, c'est pas pour nous autres. Bye!